Bonjour et bienvenue à l'émission La Radio est à On, qui est une émission où je fais des capsules avec des candidats d'Option nationale pour faire la promotion aussi, puis pour que les gens connaissent mieux la plateforme, parce qu'on sait très bien que les médias nous accordent la place qui nous est donnée. Et j'espère que vous aurez senti le sarcasme ici. Avec moi aujourd'hui, Geneviève Allard, qui est candidate pour le comté de Matane-Matapédia. Bonjour Geneviève. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Quand on se retrouve, il y a des bruits autour de nous. Tout d'un coup, il y a un enfant qui se met à pleurer un petit peu. On est dans un parc à l'extérieur dans la région. Donc, si vous entendez des bruits comme ça, c'est un petit peu normal. Geneviève, en fait, pour commencer d'entrée de jeu, j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi, mais aussi de ton historique professionnel. Oh, mon historique professionnel, dans le fond, moi, je suis arrivée à Rimouski ici à 18 ans. Mm-hmm. J'ai fait mes études à l'Institut maritime. Je suis partie ensuite sur le marché du travail, travailler comme plongeuse professionnelle. Ensuite, j'ai travaillé comme opératrice hyperbare sur un projet de recherche sur la paralysie cérébrale. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu le goût d'aller à l'université parce que notre projet a été discrédité par le gouvernement, qui considérait comme un effet placebo sur l'enfant, alors qu'il y a effectivement eu des changements positifs chez l'enfant. Donc, l'absence de pouvoir d'aller expliquer au gouvernement que c'était pas un effet placebo, ce qu'on a observé, m'a motivée à aller à l'université pour être en mesure de prouver le contraire, finalement. Bien, je ne suis pas allée en médecine. Non, c'est ça, mais d'un peu, justement, faire des recherches pour cette raison-là. Oui, avoir un droit de parole. Des fois, j'ai l'impression que quand on a un travail d'ouvrier, on a moins de crédibilité, puis on a moins un droit de parole dans la société, puis ça me fâchait. Donc, je suis allée à l'université en géographie, j'en ai profité pour avoir des enfants en cours de route. Donc, j'ai fait mon bac et ma maîtrise en élevant mes deux enfants, Maxime et Jean-Christophe. Puis maintenant, j'occupe un emploi à l'université au Centre d'études nordiques, dont je suis coordonnatrice, et pour le groupe de recherche sur les environnements nordiques boréas. En cours de route, j'ai aussi enseigné au Cégep, au Centre matapédien d'études collégiales, puis j'ai enseigné à l'Institut maritime en plongée commerciale. OK. Bon, donc, c'est quand même un CV assez impressionnant. C'est rare qu'on voit des gens qui sont vraiment dans le domaine scientifique comme ça, qui deviennent aussi candidats politiques. Et toi, justement, ça m'amène à cette question-là. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de devenir candidate pour Option nationale? Bien, comme tu le soulèves, il y a toujours l'enjeu de la neutralité quand on est scientifique. Mais en fait, moi, je suis coordonnatrice et j'ai eu à me battre avec ça à l'intérieur de moi-même avant d'accepter de me présenter en politique. Et je me dis, bon, mais comme coordonnatrice, mon travail, c'est d'aider les scientifiques. Donc, il n'y a pas d'objection à ce que j'aie des opinions politiques. Puis mes opinions politiques vont à contresens de ce qui se passe présentement. Donc, je suis pas en accord avec la façon que le gouvernement libéral de Jean Charest mène les choses. Et puis, j'étais à la recherche d'une solution ou un endroit où je peux m'investir pour aider le Québec à mieux supporter à mes yeux. Donc, j'ai exploré les différents partis. Québec solidaire m'a tenté pendant un moment, mais je reconnaissais pas mes propres valeurs. Lorsque j'ai lu la plateforme d'Option nationale, c'était un coup de foudre instantané. J'ai immédiatement appelé le parti. Je leur ai envoyé mon curriculum parce que je savais qu'il y avait un besoin d'avoir des candidats à la grandeur du Québec. Mm-hmm. Mon intention première, c'était de me présenter dans Rimouski, mais étant donné qu'on avait déjà un candidat, c'était plus gagnant pour le parti que je me présente dans Matane-Matapédia, où j'ai déjà énormément de relations puis une expérience de vie. Mais ça, justement, c'est un aspect qui a été légèrement critiqué aussi, parce que tu n'étais pas nécessairement résidente du comté Matane-Matapédia, donc on se disait, est-ce que Geneviève est vraiment assez attachée à ce comté-là pour être capable de bien défendre? Toi, tu réponds que oui. Bien, c'est évident que oui. C'est mieux que ce soit moi que quelqu'un de Montréal. Bien oui, puis, pour une première des choses. Puis en même temps aussi, ce qu'on oublie souvent, c'est que les comtés, c'est un à côté de l'autre. Fait que la région, la ligne du comté est invisible. Dans la réalité, on passe autant de temps là-bas qu'ici. Puis on est les mêmes aussi. Oui, puis étant donné que je réside à l'est de Rimouski, j'ai tendance à effectuer mes déplacements plus vers l'est que vers l'ouest pour mes loisirs. Donc mes loisirs, c'est la rivière Métis que j'apprécie de descendre en trip. C'est d'aller au marché public à Amqui, c'est d'aller prendre le traversier à Matane. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vraiment le territoire que moi, j'ai choisi de fréquenter au quotidien. Selon toi, qu'est-ce qui représenterait surtout qu'est-ce qui caractériserait, je pourrais dire, le comté de Matane-Matapédia et les gens qui y habitent? Bien, comme le nom le dit, Matane-Matapédia, ce qui le caractérise, c'est que c'est différents territoires qui sont juxtaposés sous une structure politique. C'est quelque chose que je trouve dommage. Là, quand on a des territoires qui sont des entités géographiques indépendantes, qui ont des valeurs indépendantes, c'est difficile de trouver le candidat idéal pour débattre de chacun des enjeux de chaque région. Moi, c'est sûr que je suis très attachée à la vallée de la Matapédia parce que la vallée m'a accueillie à bras ouverts quand je suis allée enseigner au CEMEC. J'ai également des intérêts envers Matane, étant donné que je suis du domaine maritime, mais je suis pas du domaine de l'industrie, donc là, j'ai mes devoirs à faire pour pouvoir mieux comprendre les enjeux de l'industrie qui est située à Matane. Pour ce qui est de la métisse, je fréquente la métisse, je suis guide de kayak, guide de Zodiac à temps partiel, juste pour les loisirs. Le temps qui reste métisse, encore, tu sais. Oui, à métisse sûrement, je fais ça juste pour le plaisir. Donc, je suis vraiment présente sur le territoire. Et puis, justement, tu parlais des intérêts et des besoins de chacune des régions. Puis, selon toi, qu'est-ce qui est majeur qui devrait vraiment changer pour Matane-Matane-Petia? Bon, on va y aller avec mon coup du cœur. La vallée, moi, je vois qu'elle a un grand potentiel. Puis je le vois de mes yeux, mais je vois aussi que les citoyens le croient eux-mêmes. Donc, c'est une vallée qui est enclavée, qui a un microclimat exceptionnel, des très belles terres agricoles qui ne sont pas très contaminées par les pesticides ni les OGM. Donc, c'est une vallée qui a la capacité de produire des semences biologiques à l'échelle mondiale, étant donné que les OGM sont maintenant admis dans l'alimentation humaine sans étiquetage approprié. Oui. C'est vrai. Donc, pour moi, ça, c'est mon enjeu préféré, je dirais. C'est peut-être pas nécessairement le seul. Bien, ce n'est pas le seul, mais c'est pas nécessairement le principal, mais moi, c'est mon préféré. Et puis, à ce niveau-là, on sait que la plateforme d'Option nationale peut aider beaucoup en termes d'étiquetage. Tout ça, c'est dans le programme. Oui, l'étiquetage, le soutien au secteur agroalimentaire est dans la plateforme. Mais il faut aussi dire qu'Option nationale, bien, c'est un parti souverainiste. Puis d'atteindre la souveraineté, c'est d'enrichir le Québec, étant donné qu'on rapatrierait nos impôts, 50 milliards d'impôts qui vont au fédéral. Si on peut le gérer par nous-mêmes, une fois qu'on va avoir payé tous les services fédéraux, tous les devoirs qu'on va avoir à remplir pour devenir souverain, il va nous rester un excédent d'à peu près 7,5 milliards qui va pouvoir être investi dans différents objectifs sociaux, dans l'agriculture, dans la foresterie, dépendant des intérêts des Québécois. Qui sont déjà des intérêts qui sont défendus par le Québec, mais où on a présentement la moitié des moyens pour être capable de bien y arriver. Et 100% des problèmes. Parce qu'autrefois, oui, quand l'impôt a été implanté au niveau fédéral, c'était pour répondre aux besoins d'infrastructures qui étaient administrées par le fédéral après la guerre. Donc, il y a eu un changement de pouvoir au niveau de la gestion des problèmes, mais pas au niveau du contrôle du portefeuille. Oui, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une belle région aussi. C'est important qu'on s'y attarde un peu aussi. Oui, puis c'est important d'avoir des candidats qui ont la région à cœur. Puis moi, je ne vais jamais discréditer là, les autres candidats du comté parce qu'on est tous des acteurs régionaux importants qui ont pour intérêt l'Est du Québec puis qui devront travailler en équipe pour aller au sein des partis qui sont souvent plus centralisés près de Québec, dans notre cas Trois-Rivières ou de Montréal, puis toujours militer pour les intérêts de l'Est du Québec parce que l'Est du Québec, c'est relativement loin des centres. Puis nos intérêts sont très différents de ceux des autres territoires. Donc, c'est un travail d'équipe, chacun avec ses propres convictions. Tu travailles à l'Université du Québec à Rimouski présentement, donc j'imagine aussi que les aspects d'éducation sont assez importants pour toi. Donc, il y a des trucs aussi là-dedans du côté d'Option nationale qui sont intéressants. Oui, je vois que tu veux m'amener vers la gratuité scolaire. Option nationale est pour la gratuité scolaire de la maternelle au doctorat, une gratuité scolaire balisée qui va permettre aux personnes qui vont bénéficier de cette gratuité-là de contribuer à la société par le biais des impôts. Normalement, ça devrait être... l'éducation, c'est un enjeu économique, puis c'est un investissement. Si on investit dans l'éducation, c'est parce que ça peut être rentable. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup la façon que tu me parles présentement. On sent vraiment que la plateforme, tu y adhères beaucoup, puis que c'est vraiment une question de passion qui t'a amené là présentement. Puis ça, je pense que c'est un aspect, comme je disais à M. Beaudoin dans la capsule précédente, c'est un aspect qui est vraiment caractéristique des gens chez Option nationale, puis qu'on retrouve aussi. Ce qui fait que moi aussi, moi-même, j'ai décidé de militer pour ce parti-là, finalement, puis de vraiment avoir un regain de vie. Il y a un regain de goût aussi beaucoup pour la politique parce qu'Option nationale fait la politique de façon différente, vraiment pour les gens. Oui, puis on l'a entendu aussi suite au débat des chefs de la part de Québec solidaire qui fait une politique autrement. Et puis, c'est demandé de la part des citoyens. On veut une politique autrement. On ne veut pas voir des coqs se battre quand on regarde un débat des chefs. On veut voir des nouvelles idées, la créativité, l'innovation. Puis moi, je me suis impliquée pour Option nationale dans l'objectif d'entendre des meilleures idées au quotidien, dans les médias, puis être une composante de ces changements-là. C'est vrai. Mais Geneviève, je te remercie beaucoup. Ça a été très agréable de te rencontrer aujourd'hui. Si tu avais un dernier mot à donner aux électeurs pour le 4 septembre, ça serait quoi? Allez voter. Oui, ça c'est... Et voter pour vos convictions aussi. Oui. Excellent. Merci beaucoup, Geneviève. Ça me fait plaisir. Si vous désirez suivre le podcast La Radio est à On, c'est tout simple. Vous allez à l'adresse radioaon.wordpress.com ou simplement faire une recherche sur iTunes. Donc, faites la recherche La Radio à On. Merci beaucoup et bonne fin de journée.